Charlotte joue à Mario. C'est pas glamour, mais elle s'en moque. Charlotte aime la pluie et les films qui racontent l'ennui. Charlotte aime être seule. Les autres sont si beaux. Ils ont les mots si faciles que même leurs mensonges on y croit. Charlotte croit bien être heureuse, même si sa mère s'inquiète. Elle voudrait qu'elle se marie, comme si le bonheur avait des couilles.